chercher ta go pour finir chez ta mère. Ton rappeur est faux, donc t'as de toi du Chanel. Sois vrai dans le lit devant l'éternel. Toi aujourd'hui, comme si c'était la dernière. Transperce, écarte tes cuisses. Donne-moi cela. Toi une salope suisse. Sans le cul quand t'ouvres la bouche, tu parles mal. Mon Dieu, j'aime quand tu parles mal. Que j'aime, fais-le, parle mal. Marcher sur Paris, comme si c'était ta terre-mère. Les chats sont ouverts et les portes sont fermées. Je sais qu'ils ont pas vraiment vécu. Leur poster t'a servi de vécu. Je sais que t'as trafiqué tes vues. T'as fait comme t'as pu pour être connu. Je sais que tes groupies sont une mascarade. Je sais qu'elles sont toutes moins fraîches sans mascara. Mais elles savent qu'on est moins vrai. Fonce des olives. On dure et dure. Cherche encore à s'endurcir. Transperce-la, écarte tes cuisses. Donne-toi cela, comme une salope suisse. Ça sent le cul quand t'ouvres la bouche, tu parles mal. Mon Dieu, j'aime quand tu parles mal, que j'aime. Fais-le, parle mal.